De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet, de l'huile dans les rouages, votre rendez-vous hebdomadaire pour mieux comprendre la communication, que ce soit à la maison, au travail, avec les amis. Ou dans la vie de famille, la vie de couple, la vie de parents. Et tout ça avec Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va. 45e chronique que tu nous proposes pour parler communication. Ouais. Aujourd'hui, on est bien accompagné. On a Emeline en studio. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emeline. Alors aujourd'hui, on va parler communication non violente. Emeline, pour toi, la communication non violente, ça représente quoi ? C'est souvent associé, je dirais, plus au moment négatif, justement pour éviter le problème, apaiser les choses. Mais c'est vrai que moi, c'est pas un truc où je le vois plus utilisé de manière tous les jours. En fait, je pense que c'est les bonnes méthodes pour bien communiquer et peut-être pour éviter certains problèmes derrière. Ouais. Donc toi, tu voyais plus ça au moment de la crise, par exemple ? Oui. Donc c'est vrai que la communication non-violente, elle sert avant, pendant et après une crise. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la communication non-violente qui s'utilise pas que quand on est dans des moments difficiles. C'est un super outil aussi quand on va déjà bien. Comment ça se passe ? Eh bien, j'ai envie de vous parler d'un exemple d'un accompagnement que j'ai fait avec quelqu'un dans son milieu qui vient me voir très régulièrement, notamment pour sa posture professionnelle. Et la personne est venue me voir là, il y a à peu près un mois de ça, en me disant « aujourd'hui, je ne sais pas quoi te raconter, tout va bien ». Mmh. J'ai dit « mais en fait, c'est génial parce qu'on va creuser le « tout va bien » et tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour que quand ça commence à aller moins bien, tu puisses aller t'appuyer sur ces ressources-là et tu puisses être plus maître de la situation. » Et donc, comment on a fait ? C'est-à-dire que je lui ai demandé quelles émotions cette personne ressentait ici et maintenant. Donc, par exemple, il m'a dit « ah ouais, je suis super motivée, je suis joyeux, puis je suis rassurée par ça, etc. » Donc, on a associé les émotions aux faits. Donc, il m'a dit « là, c'est le printemps. » Alors, je crois que c'était il y a 2 mois. « C'est le printemps, déjà, la météo, ça me fait du bien. Et puis, j'ai des nouveaux élèves en coaching. Et puis, j'ai trouvé une community manager qui va m'aider sur les réseaux. Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui va me coacher dans ma posture professionnelle pour certaines stratégies commerciales, etc. » Et donc, j'ai dit « ok, voilà les faits qui sont rattachés à tes émotions. » Et en fait, le fait d'avoir ça, ça veut dire qu'il y a quoi qui se cache derrière comme besoin. Et donc, on a pris le temps de dire, quel est le point commun avec tout ça ? C'est que c'est des gens qui ont une expertise, c'est un rapport un à un. C'est aussi le côté fiabilité des gens avec qui il va travailler, le côté échange, le côté écoute. Donc, on a identifié ses besoins. Mes besoins importants pour cette personne-là en ce moment, c'est la fiabilité, c'est l'expertise, c'est l'échange, c'est l'écoute. On en a trouvé 5, je ne sais plus c'est quoi le 5e, honnêtement. Mais du coup, c'était déjà lui, il a éprouvé beaucoup de plaisir à clarifier tout ça, de clarifier les choses positives. Donc, on revoit que ça prend les étapes de réflexion autour de la CNV, du coup. Oui, voilà, on reprend le émotion fait besoin, comme dans le message clair. Mmh. Et on l'utilise vers soi, en une forme d'auto-empathie, et qui permet d'une belle clarification, et qui permet aussi d'amplifier encore le sentiment de joie. Il m'a dit, mais c'est incroyable, je me sens encore mieux rien que de le dire. Et ça va servir à quoi, alors, de pouvoir appliquer de cette manière-là ? Et bien, en fait, maintenant qu'il a identifié ses besoins importants pour lui en ce moment, il va pouvoir le diffuser dans les autres sphères de sa vie. Donc là, on a parlé beaucoup du professionnel, mais dans son couple, il va pouvoir signaler que c'est des besoins importants. Donc, comme la fiabilité, comme l'écoute, ou aussi dans sa vie de parent, ou aussi avec ses amis. Et du coup, il va pouvoir le dire aux autres et il va pouvoir réfléchir à « tiens, alors si j'ai besoin de fiabilité en ce moment partout, qu'est-ce que je peux mettre en place en plus de ce que j'ai déjà ?» pour continuer à l'entretenir, pour mettre quelque chose de costaud, de solide. Si j'ai besoin d'écoute, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Quelle nouvelle stratégie je peux mettre en place pour consolider tout ça ? Donc là, ça va le rendre encore plus acteur de son bien-être et de son équilibre. Il va dépendre. Alors, il y a des besoins, on ne peut pas les remplir sans les autres. Honnêtement, c'est vrai que c'est difficile, mais là, il va se rendre vraiment acteur de son équilibre et de son bien-être. Et donc, on va s'appuyer sur ce qui va bien pour faire perdurer ou pour, quand ça redescend, aller rechercher ce souvenir de ces ressources-là. Et plus on fait ce genre de démarche, plus ça crée des automatismes aussi de réflexion. Oui, tout à fait. Cette personne, elle m'a dit, maintenant, dans d'autres situations, ça fait pop. Je me rends compte, mais c'est parce que mon besoin d'écoute n'est pas rempli. Donc en fait, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je choisis de signaler à l'autre que j'ai besoin d'écoute ? Ou est-ce que je mets en place quelque chose de façon autonome pour remplir ce besoin ? Et donc la personne, elle réinvestit ça dans les autres champs et puis elle devient de plus en plus souvent, on va dire, dans un état d'équilibre. Et cette période estivale de vacances, c'est une bonne période pour justement prendre un peu de recul par rapport à tout ça? En fait, j'ai choisi ce thème de chronique parce que c'est la dernière de l'année et on est en plein été, beaucoup de gens vont partir en vacances et c'est souvent une période où on ressent plutôt des choses agréables. Et je me suis dit, si vous écoutez cette chronique, je vous invite à être vigilant à quand est-ce que vous ressentez de la joie, du bien-être, du calme. Prenez le temps, puisque vous l'avez plus, d'identifier pourquoi vous êtes dans cette joie, dans ce calme, quels sont les faits et quels sont les besoins qui sont nourris à ce moment-là. Si vous arrivez à la fin de vos vacances à identifier ne serait-ce que 3 besoins, vous avez avancé, vous vous connaissez mieux et vous allez pouvoir devenir plus en plus acteur de votre équilibre. On en reparlera en septembre. Oui, alors je voulais prendre une petite seconde pour te remercier, Yves, pour ton accompagnement cette année. C'était super agréable d'échanger avec toi sur les thèmes qu'on a abordés. Je te souhaite de très belles vacances et à toi aussi, Émilie. Merci Noémie, à bientôt. Oui, à très vite. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.